do Porto na Taça da Liga e o brilharete do Vitória Sport Clube. Isto em dia de derby eterno na Luz. Benfica Sporting antecipado. Grande anúncio sur Radio Arc-en-Ciel. Cette année, la radio Arc-en-Ciel fête Noël avec vous. On vous donne rendez-vous ce samedi 6 décembre à partir de 14h30. Pour une après-midi pleine de magie de Noël. Au programme, la décoration du sapin de Noël. Création de chaussettes de Noël. Mais aussi des lettres au Père Noël. Les chants de Noël et même la fabrication de couronnes. Une après-midi pour les grands. Et les petits. Et le tout gratuitement. Et comme c'est Noël. Et que Noël rime avec cadeau. Chaque participant recevra un cadeau du Père Noël en avance. Buvette sur place. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez nombreux. On vous attend à l'espace Radio Arc-en-Ciel. Au 266 rue Faubourg Bannier. À Fleury-Aubray. Pour vous inscrire, contactez-nous par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com ou par téléphone au 02 38 43 50 09. On s'intuit Fleury Jeannin. Joyeux Noël. Avec Radio Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. De génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel.

sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais même sans avoir un rond? Amant plaqué par la vie, amour brisé c'est la vie, regard braqué sur la nuit, au bout du quai c'est fini. Chagrin qui mord aujourd'hui, demain encore puis l'oubli, le cœur s'en va résigner, tant fait d'en passer gagner. Mais gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Solitaire sur la terre, l'homme chante sa chanson, mais rien jamais ne lui répond. Les sentiments c'est coûteux, l'or et l'argent c'est bien mieux, on passe le temps comme on peut, ça fera tant cher monsieur. Gros capital bien compté, tout m'est égal si j'en ai, c'est le festival de bonté. Le principal c'est de gagner, mais de gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sur la terre, ça change guère, c'est toujours la même chanson, mais la vie chante à sa façon. Le temps qui court sous la peau, le bon Dieu sourd comme un pot, la trouille pour le magot, et tout autour des badauds. Donne-moi chrétien des tickets, parlant latin s'il te plaît, dernier refrain chuchoté, dis-moi combien pour gagner. Pour gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et du clou. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sous la terre, la poussière, c'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes, si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons souvenirs. Donc eh bien, j'espère que tout se passe bien avec toutes sortes, bien que vous écoutez les chansons, et puis on va rester bien sûr dans les chansons anciennes. Et je vous laisse avec une des chansons avec Redaker qui sont en duo avec Annette Lajeant, et le titre Les vieux excusés français. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. De douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie. Je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Non, tu ne t'en vas jamais. Oh, toi qu'aujourd'hui j'adore. Si je t'aime ou si je te fais, si je raille ou si je souffre encore, en vain dans tes yeux distraits, tu cherches à lire moi-même. Tu voudrais savoir si je t'aime, mais je ne te le dirai jamais. Sur les bords de la rivière, où murmure une brise embaumée, chaque femme a rêvé là-bas des montagnes et toujours le bleu du confirmement, les violons jettent leur mélopée, tous les mots sont plus doux, plus tendres les serments, c'est l'amour qui vous berce en chantant. Payez le bonheur qui passe, cherchez le printemps, profitez du moment, allons dépêchez-vous, vous aimez pas pour vous, la foule. Elle s'appelle Eva Butch. C'est Eva Butch et son titre « Ne faut pas briser un cœur ». Vous semble un peu fou. Sachez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein. Et elle s'appelle Suzy Delair et son titre « Moi, je coûte cher ». Décidé. Moi, c'est bien clair. Comme je ne suis pas une femme en soldat, ni même en réclame, je vous coûte très cher. Oui, mais quelle affaire! Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique.

Barbu. Barbu. Je suis parti la barbouze en bataille, mais en mettant les pieds sur le trottoir, une fille me prit par la taille et me dit: chérie, bonsoir. Elle ajouta: combien que tu me donnes? Je lui réponds: environ 25 ans. 25 ans, répliqua la luronne. Mais voyons, mais ça vaut dans les 500 francs. Je me suis redressé en lui disant: fuyez. Avec une barbe comme ça, c'est vous qui devez me payer. Mon grand-père, un joli barbu, fit de mon père un autre barbu. Et chacun le traversa la vie, tout en frisant sa barbe chérie. Comme j'étais le fils d'un barbu, à mon tour je devins barbu. Et en attendant que mon fils soit barbu, je frise ma barbe car je suis barbu. Tra-la-la-la-la-la-la, oh, tra-la-la-la-la-la-la, et hop, un petit barbu, un gros barbu. Un beau petit piège, un beau petit bouc. Et en attendant que mon fils soit barbu, je frise ma barbe car je suis barbu. Tra-la-la-la-la-la-la, oh, tra-la-la-la-la-la-la, et hop. C'était le grand barbu Polka avec Maurice Chevalier. Et voici, elle s'appelle Nicole Louillet, son titre qui me délivrera. Qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche? Qui me délivrera? Qui me délivrera enfin de toi? Près de toi j'étais comme en prison, au fond j'ai fui sans te donner mes raisons. Tu les sais, tu les sais, tu les sais bien. J'ai sur moi tes yeux et ton parfum. Demain je m'en irai seul encore plus loin. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche? Qui me délivrera? Qui me délivrera enfin de toi? Je vais cherchant sur tous les chemins quelqu'un dont le baiser soit plus fort que le tien. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Je vais cherchant sur tous les chemins tes mains. Le seul baiser qui me trouble est le tien. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Qui me délivrera de ton corps, de tes doigts, de ta bouche? Qui me délivrera? Qui me délivrera enfin de toi? Mais pour t'entendre à nouveau gémir ou rire, je donnerai tous mes jours à venir. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Je sens que je vais m'en revenir dormir, rien qu'une nuit près de toi et mourir. Tu le sais, tu le sais, tu le sais bien. Qui me délivrera

avait l'œil noir et la moustache arrogante. Il parlait drôlement mais d'une façon éloquente, bombant le torse devant les spectateurs. Mais sa renommée tenait pourtant du prodige, et ça se comprenait qu'il ait autant de prestige, puisque c'était un prestidigitateur. Rien dans les mains, rien dans les poches, il transformait d'un air vainqueur l'as de carreau en vis de cœur, sans faire d'erreur, sans un micro-cœur. Il faisait jaillir tout à coup n'importe quoi de n'importe où. Petit drapeau, pièce de 100 sous, il ne ratait jamais son coup. Et voilà, disait-il fièrement, et voilà, un billet de 1000 francs, et voilà, disparu complètement, tout le monde en restait comme de ronflants. Mais un jour, voilà qu'il s'est prendu une jolie blonde, car dans ce métier-là, on a le béguin comme tout le monde. Et c'est comme ça que commencèrent ses ennuis. Elle était naïve et souriait avec grâce, mais pour la question de faire des tours de passe-passe, elle lui prouva qu'elle était plus forte que lui. Rien dans les mains, rien dans les poches, elle transforma d'un air vainqueur notre acrobate en valet de cœur, sans faire d'erreur, sans anicroche. Elle faisait jaillir de partout, rien qu'en baissant ses yeux si doux. Un sac à main, un petit bijou, elle ne ratait jamais son coup. Et voilà, disait-elle gentiment, et voilà, des billets de 1000 francs, et voilà, disparu complètement, et lui en restait comme de ronflants. Rien dans les mains, rien dans les poches, au bout d'un mois de ce genre de vie. À chaque comptant, rien à crédit, notre homme n'avait plus un radis. Rien dans le buffet, rien dans l'armoire, rien à bouffer et rien à boire, ratiboisé, plus rien nulle part. Rien dans les mains, rien dans les poches, il a perdu même son boulot. Et maintenant, sur ses bastos, il escamote du clémégo. Oh, ça peut arriver à tout le monde, non? Et il n'y a personne qui crie bravo! Il s'appelle Flip Gérard avec son titre Une chanson douce.

qu'en rester sans rien dire. En regardant la nature, on s'étend tout près, bien près, l'un de l'autre, et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer. J'ai fait mon paradis sur la terre, car la paix règne au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à refaire, je serais pour garder le bonheur et rêver, rêver et sourire, et sourire et bailler. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Je vous laisse avec Jean Sablon, son titre « Si tu m'aimes ». Écoute-moi chérie, écoute chérie, je ne veux pas t'ennuyer avec ma jalousie, mais je t'aime tant, tu sais, et toi tu m'aimes, alors... si tu m'aimes, ne fais pas ce que tu fais étourdiment, car tu ne sais pas toi-même les dangers d'un amour insouciant. Une phrase, un regard qui vous attire inconsciemment, un regard qui vous embrase, te perdrait pour la joie d'un moment. Mais malgré mon indulgence, tu pourrais regretter un beau jour d'avoir voulu ma souffrance en perdant à jamais notre amour. Car je t'aime, oui je t'aime, souviens-toi que je t'adorais perdument, et que le bonheur suprême est fragile aux mains des imprudents. Malgré mon indulgence, tu pourrais regretter un beau jour d'avoir voulu ma souffrance en perdant à jamais notre amour. Car je t'aime, oui je t'aime, souviens-toi que je t'adorais perdument, que le bonheur suprême est fragile aux mains des imprudents. Je me laisse avec deux morceaux de chansons portugaises. Et puis, on se retrouve juste après. Et puis, la première chanson, c'est pour tout simplement eh bien, un petit coucou à Florian. Donc, eh bien, c'est une des chansons de la chanteuse qui s'appelle Cathy. On verra. Et c'est une des chansons. Donc, voilà. Pour Florian aussi. Festa. quero contigo dançar. A batida é boa, vais sentir o movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite. Avec son titre Jézabel. C'est l'arme transpercée de joie, Jézabel, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et 15 ans piétinant pour dans mon cœur, mais pour toi. Jézabel, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézabel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants, avec des yeux mi-clos, dormant au chaud du passé. Et mon cœur est perdu d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom, Jézabel. Mais l'amour est un Jézabel, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en criant jour et nuit sans répit. Jézabel, Jézabel. Chanté par Lily Fayol. Et voilà le gros bill qui passe au pivot tout le long de l'île au long de l'eau. Il va vers la ville sans se presser trop tout le long de l'île au long de l'eau. Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, je te verrai bientôt. Grâce à mon cheval docile qui s'en va d'un pas tranquille tout le long de l'île, au long du long de l'eau. Mais un autre fil au triple galop, tout le long de l'île, au long de l'eau. Il emmène en ville le terrible Joe, tout le long de l'île, au long de l'eau. Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, je te verrai bientôt. Bien avant cet imbécile qui s'en va d'un pas tranquille tout le long de l'île, au long du long de l'eau. Et là-bas, le gros Bill, toujours au petit trot, tout le long de l'île, au long de l'eau. Regarde Joe qui file au triple galop, tout le long de l'île, au long de l'eau. Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, je te verrai bientôt. Y'a rien de faire d'aller vite pour être le premier petit, tout le long de l'île, au long du long de l'eau. Joe arrive en ville, mais il est trop tôt, tout le long de l'île, au long de l'eau. C'est bien temps, dit-il, allons au bistrot, tout le long de l'île, au long de l'eau. Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, je te verrai bientôt. Je vais boire un verre de bière, car j'ai mangé de la poussière, tout le long de l'île, au long du long de l'eau. Mais les heures filent, et la bière donne chaud, tout le long de l'île, au long de l'eau. C'est pas mal la ville, j'ose sort du bistrot. Tout le long de l'île, au long de l'eau. Venez là, venez là. Mais, et qu'est-ce que je vois? De Pamela et de Grosville, qui s'en vont dans un pas tranquille, tout le long de. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Il s'appelle Surbet et son titre, c'est le roi de l'accordéon. On a chanté, ce n'est pas très nouveau, tous les grands rois de la terre, rois du pétrole et rois de Chicago, et jusqu'au roi des ballots. Oui, mais en France, où l'on est plus malin, on a des rois populaires. C'est pourquoi je vais vous parler d'un roi républicain. C'est le roi de l'accordéon, c'est le roi du musette. Faut voir comment qu'il en jette dans les Java, les Boston. Quand il appuie sur ses boutons, le bal est en fête et l'on fredonne à mi-voix la chanson du roi de l'accordéon. En fait de roi, c'est un as épatant qui a la main sur les dames. Il sait les prendre et plus d'une a souvent coupé dans ses boniments. C'est dans ses doigts qu'il a tous les atouts et quand il monte une gamme, sur son soufflet tiré jusqu'au bout, il en file un coup. C'est le roi de l'accordéon, c'est le roi du musette. Faut voir comment qu'il en jette dans les Java, les Boston. Quand il appuie sur ses boutons, tout le bal est en fête et l'on fredonne à mi-voix la chanson du roi de l'accordéon. Pour vous lancer le dernier cri du jour, il est toujours à la page, dans la romance ou le refrain d'amour qu'on chante au coin du faubourg. Et c'est ainsi qu'inspiré malgré soi, chipant la note au passage, il vous compose un air d'opéra tel que celui-là. C'est le roi de l'accordéon, c'est le roi du musette. Faut voir comment qu'il en jette dans les Java, les Boston. Quand il appuie sur ses boutons, tout le bal est en fête et l'on fredonne à mi-voix la chanson du roi de l'accordéon. Voici donc qui s'appelle Jouvati et son titre Le cœur de Ninon. Le petit cœur de Ninon est si petit, est si gentil, est si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Si le pauvre est parfois coquet et peu docile, ce n'est pas sa faute, non. Au petit cœur de Ninon. Le petit cœur de Ninette, je vous le dis tout bas, à tout venant se prête, mais ne se donne pas. Tant pis pour qui s'entête à lui faire la cour. Qui veut aimer Ninette doit en souffrir un jour. Le petit cœur de Ninon est si petit, est si gentil, est si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Si le pauvret par pacotier et peu de cire. Ce n'est pas sa faute, non, au petit cœur de Ninon. Le soir où la pauvrette rendra son âme à Dieu, tous les anges en fête l'emporteront aux cieux. Mais les anges sans doute feront bien attention à ne briser en route le petit cœur de Ninon. Le petit cœur de Ninon est si petit, est si gentil, est si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Si le pauvre est par pacoquet fait peu de cire, ce n'est pas sa faute, non. Au petit cœur de Ninon. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Est un violon. redites-moi ce que tu penses. En écoutant cet air d'antan dont il aimait la mélodie, je crois revivre un court instant l'amour qui fut toute ma vie. Madame, redites-moi cette chanson. Chaque mot des vers sont mon âme, comme un parfum léger, souvenir plein de charme de l'homme que j'ai tant aimé. Madame, redites-moi cette chanson qui m'a vu sans plus de larmes. C'est un peu d'illusion que mon cœur vous réclame. Madame, redites-moi cette chanson. Madame, redites-moi cette chanson. Chaque mot déverse en mon âme comme un parfum léger, souvenir plein de charme de l'homme que j'ai tant aimé. Oh madame, madame, madame, redites-moi cette chanson si mes yeux remplisse de larmes. C'est un peu d'illusion que mon cœur vous réclame. Madame, redites-moi cette chanson. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Vous écoutez Radio Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Dans les chansons, et je vous laisse avec Libert qui nous mène du côté les planchers, sur les planchers des vaches. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut guincher dans tous les caboulots, sur le plancher des vaches. Le vin, les femmes, on a tout ça. Mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral, le matelot, sur le plancher des vaches. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut cacher dans tous les capoulots, sur le plancher des vaches. Presque un amiral, le matelot, sur le plancher des vaches. Quand du poste de vigile, on crie terre à bâbord, le marin, l'âme radie, se croit déjà au port. Il n'a plus qu'une pensée, tirer une bordée. Il n'a plus que cette idée, on est heureux comme des poissons dans l'eau. Sur le plancher des bachelots, on peut gâcher dans tous les caboulots. Sur le plancher des bachelots, le vin, les femmes, on a tout ça. Mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral, le matelot. Sur le plancher des bachelots, les sangs roulis et engagent pour se remettre à flot. Du sous-marin, l'équipage fait escale au bistrot. Ils traînent que la nuit entière, si bien que peu cher. Malgré qu'ils soient sur la terre, ils sont encore sous l'eau. On est heureux comme des poissons dans l'eau. Sur le plancher des bachelots, on peut gâcher dans tous les caboulots. Sur le plancher des bachelots, le vin, les femmes, on a tout ça. Mais oui, madame, sur ce plancher-là, c'est presque un amiral, le matelot. Sur le plancher des bachelots, un amiral, le matelot. Voici les compagnons de la chanson et leur titre « Si jamais ». Si jamais vous traversez la mer immense pour fuir un horizon chargé d'ennui, vous direz apercevant le ciel de France, c'est ici que j'aimerais passer ma vie. Si jamais vous connaissez la peine immense de perdre un grand amour qui vous trahit, vous viendrez chercher l'oubli de vos souffrances dans les bras d'une jolie fille de mon pays. Dans mon pays, il y a tant de belles filles, il y a tant de filles pour consoler les gars. Dans ma vallée, il y a tant de fleurs jolies que le bonheur sourit à chaque pas. Si jamais vous délaissez la ville immense, chassée par les méchants, lassée de tout, vous aurez pour croire encore à votre chance l'aube claire d'un dimanche de chez nous. Dans mon pays, il y a tant de beaux dimanches, tant de tonnelles pour boire à nos amours, tant de clochers et tant de robes blanches que ceux qui s'aiment s'y marient pour toujours. Si jamais vous traversez la mer immense pour fuir un horizon chargé d'ennui, vous direz en abordant la terre de France, c'est ici que j'aimerais finir ma vie. C'est ici que j'aimerais finir ma vie.

garçon, d'abord du saucisson. On ignore encore l'histoire. Nos deux couverts sont préparés. Son vin, c'est moi qui vais le boire. C'est d'ailleurs moi qui le paierai. Je bois, je crâne. Quelle noce! Les gens pensent, va-t-il venir? J'en tremble presque, c'est atroce. À ta santé, au souvenir. Oui, j'en tremble. Tout à fait. Garçon, du poulet. La cuisse avec le croupion. Ah, il avait une jolie figure. Avec des yeux extravagants. Il travaillait dans la chaussure. Moi, je travaillais dans les gants. C'était même un peu ridicule, cette union à base de cuir. C'est fini. La vie vous bouscule. Et je trébuche à en mourir. Oui, je trébuche à mourir. Garçon. Une choucroute garnie. Il y en a qu'un qui flaire quelque chose. C'est le petit blond qui mange dans le coin. Aujourd'hui, son regard se pose plus lourdement sur moi. Tiens, tiens. Je me sens comme nue et si laide. Vite un peu de poudre et l'addition. C'est ce rêve mort qui m'obsède. Mais c'est fini l'amour. Je tiendrai bon. Plus jamais je n'aimerai, plus jamais, c'est fini pour toujours. Ah, mais... Garçon, écoutez. Mais écoutez donc, voyons, approchez. Qui est-ce là-bas, le petit blond qui mange dans le coin? Ah, que voulez-vous, hein, comme disait ma grand-mère. Ah, les hommes. Avec les hommes, c'est terrible. Et sans homme, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Hein? Vous iriez? Eh ben, moi aussi, j'y vais. Il s'appelle Jacques Brel avec son titre « Il peut pleuvoir ». Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, dans son halo de nuages. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, moi je crie bon voyage. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Flaque d'eau qui brille sous les jambes des filles, aux néons étincelants qui lancent dans la vie leurs postillons de pluie, je crie en rigolant. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, jour et nuit tourner en rond. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont,

vont éclore dans les cœurs de 20 ans. Combien vont perdre la tête, pour toi Sardane du pays catalan, pour toi Sardane du pays catalan, pour toi Sardane du pays catalan. Voici donc, elle s'appelle Lynn Cleaver, la musique vient par ici. Elle s'appelle Rina Kitty et le titre Plaisir d'amour. Plaisir d'amour. j'avais mis ma confiance en tes mains. Nous vivions insouciants sans songer à demain. Et pourtant notre tendre roman, par ta faute aujourd'hui, vient mourir bêtement. Maintenant je sais qu'un autre a pris ma place, comme je sais qu'un autre a pris ton cœur. Tristement mon beau rêve s'efface, adieu je n'aurai qu'amertume et rancœur. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. J'espérais oublier que j'aimais, mais hélas le destin nous unit à jamais. Ton image revient chaque jour, tourmentée, torturée, angoissée mon cœur lourd. Et je vis traînant comme une lourde chaîne les souvenirs de nos anciens émois. C'est pourquoi j'ai parfois tant de peine les soirs où j'évoque le temps d'autrefois. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. S'appelle George Milton et son titre Que demande le peuple. Que demande le peuple au gué, que demande le peuple, des souliers pour danser au gué, des chansons pour chanter. Mazarin, dit-on, a dit ce fripon, ils chantent, ils verront. Non, non, non, pas de ça, nous chanterons, Guida, mais nous ne verrons pas. Que demande le peuple au gué, que demande le peuple, que tous les financiers au gué soient pendus par les pieds. Ils auront, c'est clair, les jambes en l'air, les poches à l'envers, leur argent tombera et c'est nous, Guida, c'est nous qu'on ramassera. Que demande le peuple au gué, que demande le peuple, qu'on fasse un peu moins travailler tous les corps de métier. Voilà le règlement que je vais prochainement soumettre au Parlement. 8 heures pour dîner, 8 heures pour flâner, 8 heures pour rigoler. Que demande le peuple d'être moins dépouillé au gué par messieurs les huissiers. Quand je serai saisi qu'ils m'auront tout pris jusqu'à ma chemise de nuit, je recevrai tout nu ces voleurs d'écus en leur montrant mon... Que demande la

pluie. Sans arrêt tombe d'un ciel noir où j'avais mis mon espoir le plus tendre afin de mieux attendre l'instant promis. Toute la pluie noie mon cœur comme l'horizon, l'espoir s'enfuit et je perds sans raison. Seul aujourd'hui, dans ma triste demeure, où mon pauvre amour pleure comme la pluie. Parmi les rumeurs, très loin je guette ton retour, tandis que rôde dans l'espace comme un lourd et doux parfum d'amour. Mais voici qu'un gros nuage passe, emplissant le ciel triste et soudain, sur mon bonheur plus qu'incertain de te voir paraître au loin. Mon cœur comme l'horizon, l'espoir s'enfuit et je perds sans raison. Seul aujourd'hui, dans ma triste demeure, où mon pauvre amour pleure comme la pluie. Voici Marcel Bordas avec son titre La chanson du routier. Comme le marin Eo qui gouverne son bateau, les mains crispées au volant, le routier s'en va chantant. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, bravant les intempéries. Les lourds camions font cortège à travers notre pays. Roulez, roulez, roulez, routiers, sur la route grise, le jour et la nuit. En souffle la bise, le routier conduit. Conduit à bon port, sa cargaison d'or, d'or ou de fer blanc, qu'apporte son chargement. Comme le marin Eo qui gouverne son bateau, au routier c'est le camion qui abrite ses ambitions. La route est son domaine, le camion est son logis. Tant pis s'il a de la peine d'abandonner ses amis. Roulez, roulez, roulez, routier, sur la route grise, le jour et la nuit. En souffle la bise, le routier conduit. Conduit à bon port, sa cargaison d'or, d'or ou de fer blanc, qu'apporte son chargement. Comme le marin Eo qui gouverne son bateau, abandonnant ses parents, le routier s'en va chantant. Dans son petit village, il reviendra tout réjoui, caresser les doux visages de ses enfants chéris. Roulez, roulez, roulez, routier, sur la route grise, le jour et la nuit. En souffle la bise, le routier conduit. Conduit à bon port, la cargaison d'or, d'or ou de fer blanc, qu'apporte son chargement. Sur la route grise, le jour et la nuit, en souffle la bise, le routier conduit. Conduit à bon port, à cargaison d'or, d'or ou de fer blanc, qu'importe au charge. Avec Annie Cordy. Annie Cordy et son titre qui s'appelle La Baisseuse. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins ou bien vendeuses, et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je biaise du soir au matin. L'éveil et c'était mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Et le travail de nuit ne me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier j'ai le béguin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Quand j'entrais dans la partie, ce fut une révolution. Dès le commencement, je me suis sentie une très grande vocation. La première fois, comme d'usage, il y eut du tirage un peu. Mais quand j'ai perdu mon tirage, je m'y mis avec feu. à mon métier, je prenais goût, je voulais biaiser un peu partout. Je suis biaiseuse chez Paquin, je travaille hors du magasin. J'emporte de l'ouvrage quand il faut, je biaise en voiture, en auto. Une fois même, j'ai biaisé dans le métro. Avec ardeur, avec entrain, mais le docteur qui est venu l'autre matin m'a ordonné des tas de sirop, m'a dit qu'il fallait prendre du repos. Ben, il a trouvé que je biaisais trop. Je vais m'installer bien vite, me marier, quel bonheur, avec un jeune homme plein de mérite, qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise, et lui plissera tout debout. Principal c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on ne dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin, mon homme plissera dans le magasin. C'est ça qui sera gentil, ma foi, on fera tout l'ouvrage chez moi, en s'entraidant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, nous nous partagerons le turbin, afin de ne pas nous esquinter, sitôt que j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à plisser. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Il s'appelle André Dassary et puis son titre chante Paris. Parlez-moi de Paris, des cafés et des boîtes de nuit. Parlez-moi de Paris, des petites femmes dont le cœur nous séduit. Là-bas, au moins l'on rit, et l'on vit dans la joie et l'esprit. Car du nord au midi, il n'est qu'un paradis dans le monde, et le vrai c'est Paris. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. Ah, qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. On n'y parlait qu'un seul langage, ça suffisait pour être compris. Les amoureux n'allaient pas se cacher dans les cinémas, ayant certes beaucoup mieux que ça. Ils se pécotaient sur un banc et les moineaux gentiment sur les branches en s'étotant. Ah, qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. Paris, reine des après tout vous sourit. La cité morose se métamorphose, les vieux murs semblent moins gris. On se figure voir les Tuileries, la Madeleine et la place Clichy. Son air nous enivre, on se sent revivre en parlant un peu de Paris. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite et pourtant mon cœur est tout chaviré en te quittant. Il faut te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime d'amour, comme une fleur de Paris qui veut Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie, fleur de Paris. Il n'y a qu'un Paris, un seul Paris au monde. Il n'y a qu'un Paris, une seule ville aussi blonde. Un seul vrai paradis où chaque nuit tous les plaisirs vous sont permis, où les baisers les plus osés vagabondent. C'est un point tout petit sur notre map monde, mais son nom resplendit sur la terre et sur l'onde. Il n'y a qu'un Paris, une seule ville aussi blonde. Il n'y a qu'un Paris, un seul Paris au monde. Le pianiste du Val-Loulou a le cœur nostalgique. Tous les soirs, sa jolie doudou danse, danse en faisant les yeux doux. Le pianiste du Val-Loulou en oublie sa musique. Pourquoi donc est-il si jaloux? Regardez et vous comprendrez tout. Y a-t-il un corps qui danse et se balance avec des gestes plus gracieux? Non, messieurs, un regard qui vous provoque et puis se moque avec un air plus malicieux. Non, messieurs, le pianiste du Val-Loulou a le cœur nostalgique. Il sait bien qu'il en faut beaucoup pour garder le cœur d'une doudou. Un petit bengali toujours rêve du ciel bleu, mais s'il est trop joli dans sa cage, enfermez-le. La doudou doudou. Ti-da-doo-doo, doo-doo. Le pianiste du Baloulou ne fait plus de musique, car il a, ça lui plaît beaucoup, acheté le bal et voilà tout. Le pianiste du Baloulou a la vie magnifique. Quand il danse avec sa doudou, à leur tour, les autres sont jaloux. Mais croyez-vous qu'une belle peut longtemps rester fidèle sous les cieux, mon messieurs, quand elle a sous son corsage un cœur peu sage et des trésors très audacieux, mon messieurs. À l'orchestre du Baloulou, on demande un pianiste. La patronne a des yeux si doux. Franchement, messieurs, qu'attendez-vous? Pas plus qu'un bengali, on enferme une doudou. Et sa cage jolie peut un jour s'ouvrir pour vous. La doudi, doudi, la doudi, la doudi. Donc, le titre s'appelle Le chant des jeunes gars. Il est interprété par Montéus. À qui travaille, il faut du pain. Demain, nous prendrons les usines. Nous sommes des hommes et non des chiens. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. Là, la jeune garde, de la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurs de faim, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde. Nous ne voulons plus de guerre, car nous aimons l'humanité. Tous les hommes sont nos frères, nous clamons la fraternité. La République universelle, empereurs et rois, tous au tombeau. Tant pis si la lutte est cruelle, après la pluie, le temps est beau. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. V'là la jeune garde, v'là la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les morts de faim, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, la jeune garde.